La blague circule sous les tentes des nomades sahraouis. Le jour du jugement dernier, aux portes du royaume des cieux, Dieu garde les vertueux et met de côté les mauvais. Reste un groupe d'hommes auxquels il demande de se présenter. « Nous sommes les sahraouis, » répondent-ils. « Ah ! Alors, installez-vous là avec vos tentes le temps que je décide de ce que je vais faire de vous. » Comme souvent sous la plaisanterie, il y a une réalité. Le sort de quelques centaines de milliers d'êtres humains qui vivent souvent dans des conditions misérables. Une population africaine qui, pour au moins une partie d'entre elles, ne subsiste que grâce à l'aide internationale dans des camps de fortune installés en territoire algérien. Pour tous ces gens, l'attente est interminable, mais ils ne voient toujours rien venir tant la solution qui permettrait de soulager enfin leur sort semble impossible. Malgré les négociations, malgré les missiles de Minissi de l'ONU, malgré les armes qui parlent encore dans cette région désolée de l'ouest du Sahara. Et pourtant, ce territoire oublié, mais convoité, préoccupe au plus haut point le monde occidental, ne serait-ce que parce qu'il est riche de promesses pétrolières et que les États-Unis, à tort ou à raison, y voient grossir la menace d'Al-Qaïda. Autant de raisons qui justifient la curiosité de Monsieur X. On l'appelle le Sahara occidental, une bande de terre quasi désertique qui longe l'océan Atlantique au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie. 260 000 km² de dunes et de cailloux, avec parfois quand même quelques oasis. C'est ce qu'on a appelé aussi le Sahara espagnol. C'est exact. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et la population, là ? Ce territoire est celui des morts, qu'on nomme les Sahraouis à cet endroit précis. Des populations généralement nomades, auxquelles se sont ajoutées depuis les années 90 de nombreux colons marocains. Au total, on estime que 350 000 personnes vivent au Sahara occidental. Une densité, quoi. Un peu plus d'un habitant par kilomètre carré. Oui, essentiellement regroupé, pour les sédentaires en tout cas, dans le nord, près de la frontière marocaine. Au reste, il faut le dire tout de suite, ce territoire n'est pas aussi déshérité qu'on pourrait le penser. Il y a d'abord les ressources de la mer. La côte est particulièrement poissonneuse. Et puis, il faut aussi compter avec les phosphates, la principale richesse minière de cette région. Enfin, il y a le pétrole, sous la mer, mais peut-être aussi dans le sous-sol. Cependant, son exploitation ne pourra vraiment commencer que lorsque les questions politiques seront résolues. Mais cette ressource suscite déjà de nombreux intérêts. Bien entendu, pour des raisons géographiques évidentes. Pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, ce pétrole pourrait être transporté à moindre frais. Oui. D'autant que le monde occidental rêve de ne plus dépendre aussi étroitement du pétrole du Moyen-Orient. Alors quand on s'intéresse au destin du Sahara occidental, il faut tenir compte de toutes ces données. Ça est la question du terrorisme, mais on en reparlera. Alors, si vous le voulez bien, un peu d'histoire pour commencer. Mais enfin, non, rassurez-vous, je vais essayer d'aller vite. C'est à la fin du XIXe siècle que les Espagnols s'installent sur la côte. Une implantation autorisée par la conférence de Berlin, où les grandes puissances européennes se sont partagées l'Afrique. Pour Madrid, cette conquête semble presque naturelle, étant donné leur présence déjà ancienne dans les îles Canaries. Au large du Sahara. Les Espagnols débarquent donc au Sahara occidental. Mais ils ne sont pas très bien accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, par les populations autochtones. Des nomades, hein ? Des morts, oui. Des guerriers farouches qui vont batailler pendant des décennies contre les troupes espagnoles. C'est pourquoi les Européens se contentent de s'installer sur la côte et s'abstiennent de coloniser l'intérieur. D'ailleurs, la pacification n'interviendra que très tardivement dans les années 30. À l'époque où, pour sa part, la France en termine avec la conquête militaire de la Mauritanie, ce qui n'ira pas toujours sans difficulté avec l'Espagne. Pourquoi ? Rivalité traditionnelle entre puissances coloniales. Les Espagnols refusent, par exemple, aux Français d'exercer un droit de poursuite dans leur colonie. Lorsqu'ils traquent les rebelles arabes qui se réfugient du côté espagnol. C'est ça. Ouais. Et j'en profite pour dire tout de suite que les tribus maures qui nomadisent en Mauritanie ne sont guère différentes de celles qui errent dans le désert du Sahara occidental. C'est la même population. En effet, pour ces nomades, les frontières n'existent guère. Mais ils en profiteront souvent pour échapper à la répression. Toutefois, revenons au seul Sahara espagnol. Le territoire est alors composé de deux régions distinctes. Le Saquet El Amra au nord et le Rio del Oro au sud. La rivière de l'or. Et pourquoi ce nom, hein ? Le Rio del Oro était autrefois traversé par les grandes routes où transitait l'or du Soudan à destination du Maroc. Ah, je comprends. Pour autant, malgré une pacification chèrement acquise, l'Espagne ne s'intéresse jamais vraiment sérieusement à sa colonie et laisse des sociétés privées exploiter les phosphates. Pourquoi ce désintérêt, alors ? L'éloignement, peut-être, et aussi la présence de ces tribus arabes qui connaissent parfaitement le terrain et sont toujours susceptibles de créer de sérieux ennuis aux colons. En fait, vous le verrez, l'Espagne ne se réveillera que lorsque les revendications indépendantistes prendront corps. Mmh. Au Maroc ? Et c'est une question particulièrement sensible pour Madrid, qui possède une enclave dans le sud et surtout un protectorat au nord. Oui, c'est dans le Rif. Mais c'est aussi très symbolique. Le Rif, c'est le point de départ de la rébellion des généraux putschistes de 1936 qui vont renverser la République espagnole. Mmh. Alors, vous parliez là des indépendantistes. Au Sahara occidental, colonie espagnole, existe-t-il un mouvement nationaliste ? Constitué en tant que tel ? Non. Mais il est certain que l'évolution des pays du Maghreb va favoriser cette éclosion. D'autre part, la colonisation espagnole, de plus en plus pesante, accentue cette tendance et va réellement fonder l'identité sahraoui. Et ça s'explique aisément. Ça commence par la revendication purement territoriale. Oui, la réappropriation purement géographique, c'est ça. Et puis ça se transforme peu à peu en affirmation culturelle des nationalistes. Alors, en exagérant un peu, peut-on dire que la notion de peuple sahraoui est née à cause de la colonisation ? C'est en effet dans la lutte que cette idéologie nationale s'est affirmée. Et ensuite, bien sûr, c'est dans l'opposition à une autre forme de colonisation, celle du Maroc, que cette revendication nationaliste s'est renforcée. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Oui, bien sûr. Une remarque quand même là. Les Marocains ont toujours nié qu'il s'agissait d'une colonisation. Je sais. Mais si vous voulez bien, on verra ça de plus près. Dès 1953, c'est-à-dire plusieurs années avant l'indépendance du Maroc, on voit apparaître l'ALM, une armée de libération marocaine, forte de plusieurs milliers d'hommes. Elle a pour vocation de combattre à la fois la France et l'Espagne, et a noué des liens très étroits avec le FLN algérien. D'ailleurs, ses initiateurs ont l'ambition de créer une grande fédération maghrébine. Ce qui ne se fera jamais. En particulier à cause de la question sahraoui, d'ailleurs. Cette ALM se montre relativement active et organise des attentats et des sabotages, essentiellement dans le Rif. Puis, après que l'indépendance marocaine est acquise, elle s'en prend au Sahara espagnol. Et son action est jugée suffisamment inquiétante pour que la France et l'Espagne unissent leurs forces pour l'éliminer. L'Espagne, je veux bien, mais la France, pourquoi ? Parce qu'elle craint la contagion en Mauritanie, qui est encore une dépendance française. Les deux pays mettent donc au point une opération militaire conjointe qui, en février 1958, met hors d'état de nuire l'ALM après de très violents combats au Sahara. Et aussitôt après, l'Espagne informe l'ONU que les territoires soumis à sa souveraineté, le Sahara espagnol, et la petite enclave d'Ifni au sud du Maroc seront désormais administrés comme ses provinces de métropole. Ça signifie que l'Espagne, qui s'est pourtant si longtemps désintéressée du Sahara occidental, entend maintenant s'en occuper très sérieusement. C'est ça. Exactement comme si le colonisateur découvrait soudain que son Sahara, laissé si longtemps en déshérence, méritait enfin qu'on l'exploite. Et Franco entend y conduire des mesures d'intégration coloniale. Intégration des populations. Y compris par la force. Ouais. Et la réaction de l'ONU, alors ? Elle réplique fermement pour l'organisation internationale. Ces territoires, Ifni et Sahara, sont des colonies et relèvent donc du comité de décolonisation de l'ONU. Ça veut dire que les populations locales devront être consultées via un référendum d'autodétermination. Et comme Madrid ne veut rien entendre, des sanctions sont envisagées. C'est très important parce que cette intervention onusienne marque le début de l'internationalisation de la question du Sahara occidental. Internationalisation, mais pour l'instant, seule l'Espagne est concernée. Ah, détrompez-vous. Deux autres acteurs ont très envie d'entrer dans le jeu. Deux États qui ont apprécié au plus haut point la résolution de l'ONU, mais pour des raisons radicalement différentes. La Mauritanie, d'abord. Devenue à son tour indépendante, elle se verrait bien attribuer une partie du Sahara occidental, au nom de la proximité géographique et ethnique qui la lie à ce territoire. On parle la même langue, le Hassania, des deux côtés de la frontière. Et les hommes, m'avez-vous dit, sont issus à peu près des mêmes ethnies, hein ? À l'exception, bien sûr, des tribus noires qui habitent le sud de la Mauritanie. L'autre État, c'est naturellement le Maroc. À Rabat, ils sont déjà nombreux à considérer que le Sahara occidental est un prolongement naturel de leur pays. Et donc une partie intégrante du Maroc. Oui, oui, cette idée va faire insidieusement son chemin. Et le roi Hassan II va l'exploiter très malignement en faisant un objectif de politique intérieure. C'est-à-dire en 1965, le gouvernement marocain doit faire face à d'importantes manifestations, initiées d'abord par les étudiants et les lycéens. Elles vont bientôt gagner l'ensemble du pays. Mais que réclamaient les manifestants hein? Mais ils protestaient contre la hausse du coût de la vie. La répression a été à la hauteur de l'ampleur de cette opposition. Et d'après les observateurs, on comptera 1 million de morts. Mais ça ne vous étonnera pas, puisque le ministre de l'Intérieur était alors le général Oufkir. Ah oui, l'homme qui porte la responsabilité de la disparition de Ben Barka. Et notez bien que les deux événements se sont passés la même année, en 65. Mais ce n'est pas un hasard? Non, car Ben Barka était le principal opposant au régime, même s'il avait dû s'exiler pour échapper à la redoutable police d'Oufkir. Le roi est donc mis sérieusement en difficulté. Mais il fait front. Il dissout l'Assemblée, s'octroie les pleins pouvoirs et surtout, il se sert de la question du Sahara occidental. Mais de quelle façon? Bah, il flatte le nationalisme de ses sujets en annonçant que le Maroc doit en finir avec le colonialisme et donc parachever l'intégrité de son territoire. Et là, c'est l'Espagne qui est visée. Hein. L'Espagne qui détient encore des enclaves au nord et surtout au sud, Ifni et le Sahara occidental. C'est donc... Soyons clairs, pour le roi, une façon de détourner la colère des Marocains. Exactement. Et malheureusement, ça marche. Et ça marchera à nouveau 10 ans plus tard. Le chercheur Laurent Pointier est un spécialiste du Maghreb. En 2004, il a publié « Le Sahara occidental » aux éditions Cartala. Extrait. Pointier évoque d'abord les manifestations de 1965. C'est à la suite... de ces événements intérieurs, Hassan II décide de faire inscrire la question du Sahara espagnol à l'ordre du jour de la 20e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Immédiatement, celle-ci se calque sur la position du comité de décolonisation et adopte sa première résolution le 16 décembre 1965. Elle demande à Espagne de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour libérer l'enclave d'Ifni et le Sahara espagnol et d'engager avec les pays limitrophes, des négociations sur les problèmes de souveraineté que posent ces deux territoires. C'est au terme de cette résolution que l'ONU reconnaît officiellement au Maroc, à la Mauritanie et à l'Algérie la qualité de pays concernés ou intéressés par la question du Sahara espagnol, mais sans que cela altère d'une façon ou d'une autre le droit à l'autodétermination des populations du territoire. Dès cette époque, le roi du Maroc considère donc que le Sahara espagnol appartient à son pays. Mais comment justifie-t-il cette assertion? Il utilise 2 arguments. D'abord, il juge qu'il y a une continuité géographique entre le Maroc et le Sahara occidental. La Mauritanie peut en dire autant au sud. Hein. Ensuite, Hassan II, mais aussi la majorité des Marocains, mettent en avant le fait qu'au sud de leur pays vivent des morts qui sont apparentés aux nomades sahraouis. Et là encore, la Mauritanie. Vous avez raison, mais vous verrez que par la suite, ce pays devra abandonner ses ambitions. Mais n'allons pas trop vite, hein. Bah, puisque ça vous amuse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette période qui va de 1965 jusqu'au retrait espagnol, les autorités marocaines collent parfaitement aux recommandations ou injonctions onusiennes. Et je veux souligner en particulier que le Maroc approuve par conséquent le principe du scrutin d'autodétermination prévu par l'ONU. Il en ira bien sûr tout autrement lorsque c'est Rabat qui tirera les ficelles au Sahara occidental. Mais enfin, passons, au moins provisoirement. Mmh. J'imagine que, tant la Mauritanie que le Maroc, hein, deux pays qui ont des vues sur le Sahara occidental, doivent susciter ou aider des mouvements hostiles à la colonisation espagnole. Ah, c'est évident. Il se crée en effet 2 organisations. L'une soutenue par la Mauritanie, l'autre par le Maroc, qui entendent créer des difficultés à l'administration espagnole. Et Madrid riposte à sa façon en organisant un référendum. Quoi, une vraie consultation? Non, les dés sont pipés. Et seule une infime partie de la population sahraoui est appelée à voter. Et le résultat est favorable à l'Espagne? Bah forcément. Mais ça renforce la volonté de Madrid d'intégrer les populations autochtones. Ouais. Madrid qui n'envisage donc pas du tout... de décoloniser. Et qui exploite maintenant méthodiquement les ressources minières du territoire. Oui, les phosphates. Mais c'est aussi à la même époque qu'il commence à se dire que le sous-sol du Sahara occidental pourrait bien receler du pétrole. Les Espagnols accroissent donc la pression politique sur les Sahraouis et leurs chefs de tribu, en espérant aboutir à assimiler ces nomades. Mais dans un contexte général de décolonisation, comment les Espagnols peuvent-ils penser qu'ils pourront encore longtemps occuper cette colonie ? C'est vrai qu'ils agissent à contre-courant. Et remarquez-le bien, avec leurs voisins portugais, ils seront les derniers Européens en Afrique à lâcher prise. Mais on en parle dans un instant. Mais les faits sont là. Et au risque de me répéter, je vous rappelle que Franco est encore au pouvoir. Franco et son implacable successeur désigné, Luis Carrero Blanco. Ouais, ça, le chien de garde du régime, l'homme qui sera assassiné par les indépendantistes basques en 1973. Mais tout au long de ces années 60, comme je vous l'ai expliqué, le sentiment national progresse dans l'esprit des Sahraouis. La prise de conscience, donc, de leur situation de colonisée. Oui, oui. Mais aucune des organisations indépendantistes qui voient le jour ne sont capables de s'opposer militairement aux Espagnols qui ont considérablement renforcé leur présence armée au Sahara occidental. D'autant que ces mouvements sont divisés et que le nomadisme des populations ne favorise ni la mobilisation ni la cohésion de ces factions revendicatrices. Et il existe quand même quelques villes. Une poignée, oui. Et vous avez raison d'évoquer ce point, car ces villes que rejoindront des réfugiés seront des abcès de fixation pour les indépendantistes. Et ces réfugiés, d'où viennent-ils ? Ce sont les Sahraouis, qui fuient la répression des autorités coloniales. Une répression qui va, bien sûr, comme partout ailleurs, permettre de cristalliser la revendication nationaliste. Ça, et l'émergence d'une intelligentsia formée par de jeunes hommes qui sont partis faire leurs études à l'étranger. Souvent en Espagne, d'ailleurs, ou au Maroc. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes à la monarchie. Pourquoi ? Parce que ces jeunes gens rejoignent presque naturellement leurs condisciples marocains qui contestent le régime et l'autorité de Hassan II. Ils font donc l'objet d'une surveillance policière assidue. C'est d'autant plus vrai que ces intellectuels ne voient pas d'un très bon œil la tutelle que le Maroc voudrait imposer au mouvement indépendantiste. Ils ont raison de se méfier, car Rabat n'envisage de soutenir que ceux qui se prononcent pour le rattachement du Sahara occidental au Maroc. Certains de ces intellectuels n'hésiteront d'ailleurs pas à dénoncer une connivence inavouable entre les autorités marocaines et espagnoles. Mais vous parliez de la répression exercée par Madrid. Oui, en 1970. 2000 Sahraouis se rassemblent pacifiquement près de Smara, pas très loin de la frontière marocaine. Ils veulent adresser une pétition au gouverneur. Gouverneur espagnol. Et de quoi est-il question ? De la reconnaissance de leurs droits. Le pouvoir colonial réagit avec vigueur et ordonne à la troupe de tirer à balles pour disperser le rassemblement. Une dizaine de Sahraouis tombent et dans la nuit, les forces d'occupation enlèvent le leader de ce mouvement de protestation, un certain Bassiri, que personne ne reverra. Assassiné ? Vraisemblablement. Du coup, ce Bassiri devient un martyr de la cause Sahraoui. Le Polisario, créé 3 ans plus tard, en fait d'ailleurs l'un de ses mentors. Quoi qu'il en soit, les événements de Smara radicalise le mouvement indépendantiste et incite de nombreux Sahraouis à trouver refuge à Tindouf, au-delà de la frontière algérienne. C'est très important, parce que cela permet à un nouvel acteur de jouer sa partie dans cette affaire. L'Algérie ? Bien évidemment. L'Algérie qui a toujours entretenu des rapports difficiles avec son voisin marocain et qui, elle aussi, a les yeux braqués sur les ressources du Sahara occidental et sur son accès à l'Atlantique. Ah oui. Elle est donc impliquée à cause de la présence sur son territoire des camps de réfugiés de Tindouf. Elle n'est pas étrangère à la création du Front Polisario en 1973. Ouais. Alors ce front, expliquez-moi. Front Polisario, ça veut dire Front Populaire pour la libération de Saguiat El Amra et du Rio del Oro. C'est-à-dire les deux provinces qui forment le Sahara occidental. Qui à l'époque est encore espagnol. Son meneur s'appelle Mohamed Abdelaziz et il s'oppose aux prétentions territoriales de la Mauritanie et du Maroc. Ouais, lui, il est d'abord Sahraoui. Oui, mais il doit préalablement se battre contre l'occupant espagnol. Et l'acte fondateur du Polisario a lieu en mai 1973 lors d'une action éclair contre un avant-poste espagnol où sont détenus des opposants sahraouis. C'est donc une véritable confrontation armée qui s'esquisse là. Oui, et le Front Polisario bénéficie de 2 alliés de poids. L'Algérie et la Libye, parrains de ce nouveau mouvement indépendantiste qui se dote d'un bras armé. L'armée de libération populaire sahraoui. À partir de cette création, les événements vont se précipiter. C'est-à-dire ? En Espagne, Le régime franquiste décline et il connaîtra son agonie en même temps que celle de son chef historique, le général Franco. Qui meurt en, quoi, en novembre 75. Et l'Espagne, malgré quelques déclarations viriles, va bientôt se désintéresser du sort du Sahara occidental qu'elle finira par abandonner en 1976. Préalablement, les instances internationales, via la Cour de justice de La Haye, sont invitées à se prononcer sur le destin de ce territoire. Il en résulte un avis mi-chèvre, mi-chou. Les magistrats internationaux, tout en prenant un scrutin d'autodétermination, reconnaissent du bout des lèvres qu'il existe des liens d'allégeance historique entre les autorités marocaines et les tribus sahraouis. Hassan II en profite aussitôt. Pour faire pièce à la montée en puissance du Front Polisario, il imagine une opération géniale, la fameuse Marche Verte. Un mouvement de foule sans précédent dans la région. Mais pas un mouvement spontané. Hein. Non, tout est organisé par Rabat. Et au nom de cette cause sacrée, selon les mots même de Hassan, plus de 300 000 Marocains vont prendre la direction du Sahara occidental. Le journal Le Monde, sous la signature de Jean-Pierre Turquois, rend ainsi compte de cette marche verte précédée le 5 novembre 1975 par une adresse du roi Hassan II à son peuple. « Demain, dit le souverain à son peuple, tu fouleras de tes pieds une partie du sol de la patrie. Demain, tu franchiras la frontière par la volonté de Dieu. Dès que tu l'auras franchie, je veux que tu fasses tes ablutions avec le sable et que tu pries tourné vers la Mecque pour rendre grâce au Très-Haut. » La marche verte est pacifique. Si dans cette foule sans armes, tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut et invite-le, sous la tente, à partager le repas. Nos intentions ne sont nullement belliqueuses et nous répugnons à toute effusion de sang. S'il tire sur toi, poursuis ta marche, armé de ta seule foi que rien ne saurait ébranler. Et s'il advient que des agresseurs autres qu'Espagnols entravent ta marche, sache que ta valeureuse armée est prête à te protéger. En réalité, continue Turquois, le soir même, dès minuit, les premiers marcheurs marocains sont amenés en camion au poste frontière de Ta. Après s'être brièvement arrêtés de l'autre côté de la frontière du Sahara occidental pour réciter des prières, la cohorte s'ébranle et foule le sol désertique de la colonie espagnole revendiquée par Rabat. Le jeudi matin, ils se sont enfoncés d'une dizaine de kilomètres à l'intérieur de la colonie espagnole. Et le flot ne cesse de grossir. Ils sont déjà plusieurs dizaines de milliers de jeunes à avancer, enthousiastes, le Coran dans une main, le drapeau marocain dans l'autre. Ils seront 350 000 dans quelques jours. La marche verte, on le sait, n'a nullement été improvisée. Des trains spéciaux, des autocars et des camions ont été réquisitionnés et tout a été prévu pour que les marcheurs ne souffrent ni de la faim, ni de la soif. Une sorte de croisade. Et en dehors même de la question du Sahara occidental, Hassan II, comme il l'a fait 10 ans plus tôt, réalise une opération politique excessivement habile. Il réunit en effet sous la bannière royale tous les partis politiques marocains. Il les a tous... Embobiné, si vous passez l'expression. Oui, c'est à peu près ça. Et désormais, rares seront ceux au Maroc qui oseront critiquer l'annexion du Sahara occidental qui se dessine. Mais le roi est en même temps victime de son succès. Que voulez-vous dire, là ? Eh bien, il doit faire face à une surenchère de la gauche qui le prend au mot. Si vous voulez bien nous emparer de cette terre marocaine, faites ce qu'il faut pour y parvenir. Une intervention militaire ? Oui, contre les garnisons espagnoles qui défendent le Sahara occidental. Mais, sagement, Hassan II ne donne pas suite. Et d'abord parce qu'il sait que l'armée royale n'est pas de taille à affronter les forces espagnoles qui mobilisent pour éventuellement repousser une attaque marocaine. Par ailleurs, le roi subit les admonestations de l'ONU, qui n'a guère apprécié la marche verte. Et suit aussi de vives critiques de la part des Algériens qui dénoncent une opération aventureuse et grosse de risques pour toute la région. Et ça, c'est une sorte de menace. Et Hassan II la prend comme telle. 4 jours après le début de la marche verte, il siffle la fin de la partie. Mais les marcheurs rentrent chez eux. Alors, bilan de l'opération ? Le roi marocain a incontestablement marqué des points. Chez lui, mais aussi à l'extérieur, car il a pris date. Et les résultats ne se font pas attendre. Dès le mois de février de l'année suivante, une conférence tripartite réunit à Madrid les représentants du Maroc, de la Mauritanie et bien entendu de l'Espagne. Elle aboutit à un accord, au terme duquel l'Espagne se désengage du Sahara occidental, qui sera provisoirement administré par les trois pays. Ouais. Et les Sahraouis n'ont pas été associés à cette conférence. Ah, ils sont en effet les grands absents. Même si, bien sûr, on leur a fait la promesse de les respecter. Les respecter, ça c'est une promesse qui ne veut pas dire grand-chose. Effectivement. En tout cas, tandis que la Mauritanie au sud et le Maroc au nord se partagent le Sahara occidental, il n'est plus question de ce scrutin d'autodétermination recommandé par l'ONU et que Rabat réclamait à grands cris lorsque le territoire se trouvait encore sous le joug espagnol. D'ailleurs, bientôt, l'ONU déclarera que cet accord tripartite est nul et non avenu. Et l'Algérie est son protégé, là, le Front Polisario. Il est évident qu'ils ne peuvent pas approuver. La réplique du Polisario ne se fera pas attendre. Peu après la conférence de Madrid, le Front annonce la création de la RASD, c'est-à-dire la République arabe sahraoui démocratique, aussitôt reconnue par l'Algérie, ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Alger et même, peu après, une rupture du Maroc avec l'OUA, l'organisation de l'unité africaine qui va, elle aussi, reconnaître le nouvel État. Mais un nouvel État, mais un État virtuel, car il n'administre pas le Sahara occidental. C'est vrai, et ses dirigeants se trouvent à l'extérieur, à Tindouf. Donc en Algérie. Et c'est le début d'une véritable guerre qui va opposer le Maroc au Polisario. Le Maroc qui, entre-temps, mettra la main sur le sud du territoire, car la Mauritanie, déchirée par des conflits internes, ne sera pas en mesure de défendre la partie qui lui a été allouée à Madrid. En passant un accord de défense avec le Maroc, Nouakchott abandonnera de fait la partie. Toutefois, à l'issue d'un putsch, le nouveau pouvoir mauritanien remettra au moins en théorie sa portion de Sahara occidental au Polisario. C'est bien compliqué, hein. Alors cette guerre? Ça commence donc par l'entrée de l'armée marocaine dans cette partie du pays. Ouais, le sud. Les troupes marocaines regroupent alors 100 000, peut-être 150 000 soldats. Ouais, c'est considérable. Et surtout si l'on songe qu'en face, le Front Polisario ne compte que 15 000 combattants. Mais malgré ce déséquilibre en nombre, les Sahraouis, très mobiles et qui ont une parfaite connaissance du terrain, infligent de lourdes pestes aux Marocains. Et puis, grâce à l'Algérie et à la Libye, ils disposent d'équipements performants. En outre, l'armée marocaine, qui est placée sous les ordres d'un autre protagoniste de l'affaire Ben Barka, le général Dlimi, ne brille guère par son efficacité. Pour quelle raison? Éliminé par la corruption. De nombreux officiers envoyés là-bas pensent d'abord à s'enrichir. En plus, les exactions dont elle se rend coupable sur la population poussent de nombreux Sahraouis à fuir ou à se réfugier dans les rangs du Front Polisario, en tout cas, en 1979. Tout cela a pour conséquence une grave défaite de l'armée marocaine dans l'Est, à Smara. Cela permet au Polisario de récupérer à peu près 20% du territoire du Sahara occidental. À l'Est, bien sûr. Oui, une bande de terre accolée à une partie de la frontière algérienne. Mais Rabat riposte immédiatement en construisant un mur de protection autour du Sahara occidental. Un nouveau mur de Berlin? Non, parce que le Maroc n'en a pas la possibilité sur une longueur de 2000 km. Il n'empêche qu'avec l'aide de la France et des États-Unis, l'armée marocaine édifie un mur de sable hérissé de radars et truffé de mines. Une construction qui n'est pas entièrement hermétique, mais qui rend plus difficile les incursions des combattants du Front Polisario. Et pourquoi l'aide française, là? Dans cette affaire sensible, la France a généralement soutenu le Maroc, même si à gauche, on avait plutôt des sympathies pour le Polisario. À cause du caractère colonial de l'occupation marocaine. Évidemment. Hein. En tout cas, au moins sur le plan militaire, la situation demeure figée à partir du début des années 80 et jusqu'au cessez-le-feu qui intervient en 1991 sous les auspices de la mission militaire de l'ONU, la MINURSO. Une mission d'interposition, oui. Et qui se trouve là-bas depuis maintenant 17 ans. Ah ouais, 17 ans. Et oui, l'affaire se déroule depuis presque uniquement sur le terrain de la diplomatie, si l'on accepte quelques poussées de fièvre indépendantiste, toujours durement réprimées par les forces marocaines. Et c'est l'ONU qui a pris les choses en main. Principalement, oui. L'ONU essaiera à de multiples reprises, mais toujours en vain, de trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Songez que sur cette seule question du Sahara occidental, l'ONU pondra une cinquantaine de résolutions. Mais sans aucun résultat, donc. Et il y aura même toujours, à l'initiative de l'organisation internationale, des tentatives de procéder enfin à une consultation électorale. Mais il n'y a jamais eu d'accord sur la définition du collège électoral. À cause du nomadisme des Sahraouis. Non, pas seulement. Les Marocains, qui n'ont accepté cette idée que contraints et forcés, ont voulu associer au scrutin des tribus morts vivant dans le sud du Maroc. C'était bien sûr inacceptable pour le Front Polisario qui ne le reconnaissait pas la qualité de citoyen sahraoui. Et aujourd'hui, alors, on en est toujours là ? Oui, même si on a constaté des avancées comme la libération par le Polisario de prisonniers marocains détenus depuis plus de 20 ans. Alors certes, on continue à discuter, encore tout récemment. Certains imaginent par exemple une sorte d'autonomie élargie qui serait accordée aux Sahraouis au sein du royaume chérifien. Mais ce que veut le Front Polisario, c'est l'indépendance, hein, point c'est tout. Il est douteux qu'il renonce à cette revendication. C'est ce que je pense, oui. Parce que l'existence même du Front repose là-dessus. Alors c'est une impasse ? Oui, mais une impasse douloureuse. Et d'abord pour tous ces réfugiés sahraouis qui vivent misérablement dans des camps de fortune du côté de Tindouf. Même si depuis les années 90, le Maroc a très largement développé les infrastructures du Sahara occidental qu'elle a annexées, routes, hôpitaux... Il est à redouter pour tous les Sahraouis que la pression internationale se fasse de plus en plus forte, à cause du pétrole d'abord. Les compagnies pétrolières ont fait des recherches, se sont même vues octroyer des concessions. Mais elles ont peur de commencer l'exploitation. Peur, pourquoi ? Si leur concession a été octroyée par le Maroc, elles risquent des représailles de la part du Polisario, des attentats par exemple. Et dans le cas contraire, ce sont les autorités marocaines qui pourraient leur créer de sérieux ennuis. Et c'est pourquoi, devant cet interminable échec, les jeunes générations des Sahraouis pensent à reprendre le combat armé, au risque réel de s'attirer les foudres des États-Unis qui voient des terroristes partout et qui ne demanderaient pas mieux que de les assimiler aux cellules d'Al-Qaïda Maghreb, dont ils ne cessent de dénoncer les menaces, vraies ou fausses. Mais quand il y a du pétrole dans les environs, la vérité n'a plus grand sens. Pour terminer, je vous propose un court extrait d'un reportage effectué en février dernier par la journaliste du Monde, Florence Bauger. Elle décrit la vie des 158 000 réfugiés des camps de Tindouf. Nourriture, vêtements, médicaments, tout leur vient de dons, beaucoup en provenance d'Espagne. Pas d'eau courante, les habitants se ravitaillent dans de petites citernes en zinc, alimentées chaque jour par camion. Quant à l'électricité, ils la tirent de panneaux solaires installés sur le sol. La vie dans ces camps de Tindouf est incroyablement dure. Il y fait froid l'hiver, la nuit, le thermomètre descend souvent en dessous de zéro. Une chaleur écrasante l'été, 50 degrés à l'ombre. Les vents de sable rendent l'atmosphère irrespirable, mais le pire... Pour tous ces réfugiés sahraouis, c'est la tente. Enfin, je vous signale la parution en 2006 d'un témoignage accablant sur l'action de l'armée marocaine au Sahara occidental, Les officiers de Sa Majesté, écrit par le commandant Majoub Tobji et publié chez Fayard. À samedi prochain.